Si bonhomme semblature, domino présidi, demande à Botibi, docte Bacchelliere, quae remedia eticis, pulmonicis, atque asthmaticis, trovas a propos facere. Clisterium donare, postea segnare, ensuite a purgare. Super illas maladias, doctus bacillierus dixit maravillas. Mais si non ennuio dominum presidem, doctissimam facultatem, et totam honorabilem compagnam egutantem, faciam illi unam question. Deiero, maladus unnus, tomba vit in meas manus. Abet grandam fievram, com redoublamentis, grandam dolorem capitis, et grandum malum, au côté. Com granda difficultate, et pena de respirare. Veias mi dire, docte bacilliere, quid illi facere? Clisterium donare, postea segnare, ensuita purgare. Mais si maladia opiniatria non vult se galere, quid illi facere? Clisterium donare, postea segnare, ensuita purgare. Demande à Botibi, docte Bacchelliere. Et reseigneré, repurgaré, reclistérisare. Jurance, gardare statita. Per facultatem prescripta, comme sensu et jugé maintenant. Juro. Essere in omnibus consultationibus, ancieni aviso, aut bono, aut mauvaiso. Juro. De non jamais te servire. De remédis aucunis, quam de ce seulement docte facultatis, maladus dut-il crevare, et mori de su au malo? Jurons. Ego, comisto boneto, venerabili et docto, dono tibi et concedo, virtutem et puissantiam, médicandi, purgandi, saignandi, persandi, taillandi, coupandi, et occidandi, impuné per totam terram. Doctores, doctrine, de la rhubarbe et du séné. Ce serait sans doute à moi chosa folla, inepta et ridicula, si j'alouabam m'engageare, vobis louangas donare, et entre predouabam adjoutare des lumières au soleilio. Et des étoiles au ciel, des ondas à l'océano, et des rosas au printano. Agréate qu'avec uno moto, pro toto remerciamento, rendam gratiam corporitam docto. Honor, favor et gratia. Oui, inaccordé, que voilà, imprimant ressentimenta qui dureront in secula. Thank you.